C'est moi, ton salanini mamara, à côté de l'Ingana. Mami chouchou, mami chou, mami chou yéba, yona lingaga. Mami chouchou, mami chou, mami chou yona tiamote moi. Oh, mami chou la kira, mami chou yéba, yona lingaga. Bala na biso manu senga mote mwen to salanini mama a kotolingana mami chuchu mami chu mami chu yeba yona ligaga mami chuchu mami chu mami chu yona chamote mayo mami chu lakira mami chu yeba yona ligaga Ibala na biso wilo engombete mwa to sala nini mamaga akotolingana mami chushugu mami chu mami chu yeba yona lingaga pendola yo popole mami chu feroliko mami chu yona chamote mae Oh. La musique est un langage sonore, savant exprimer des sentiments.